Formation complete. Il est un dicton qui dit ceci, vaut mieux être avec ses amis en enfer que seul au paradis. Un autre affirme ce qui suit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je dis ceci, il vaut beaucoup mieux être seul. Un point, c'est tout, parce que de toute façon, nous sommes bien trop souvent mal accompagnés. Et anyway, we are already in hell. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque celui-ci préfère un tournevis bien rouillé à un scalpel immaculé. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is my business. We are Undead Incorporated. Et pour tous les amateurs de Triple H, go! Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control if you can take it. All about your debt and if you can pay it. It's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I made the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my move's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. 'Cause I am the game and I want to play. Time to play the game. Ça me prend Vader au prochain 3e Metal Fest. Absolument. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 3 juin de l'an de disgrâce 2008. Je suis l'infâme Dr. Pain Pendragon et vous serez en mon horrible compagnie et ce jusqu'à 23h si je le veux bien. Non, effectivement, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de voir Vader au moins une fois dans ma vie et pourquoi pas au Metal Fest, au 3e Metal Fest de cette année au mois de novembre. Ce serait probablement une des choses que Jeff pourrait faire pour moi, pour le, ne serait-ce que parce que je l'ai enduré pendant 4 ans. Donc, on vient d'entendre la pièce de Vader. Effectivement, When Darkness Calls, qui est tirée de l'album Revelation de 2002. J'aime à peu près tout ce qu'ils font, Vader. Je dois dire que formation polonaise qui donne dans un metal trash, petit côté death un peu que j'aime énormément. Honnêtement, ça serait vraiment une bonne formation à voir sur le bill du 3e Metal Fest. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous rendre au 3rivieresmetal.com. Et puis, dans la section « Faites vos propositions », vous pouvez établir 3 choix de groupes que vous aimeriez voir. On stipule le temps des formations réalistes, mais on s'entend, 3e Metal gagne du galon, donc on peut avoir des choses qui sont plus prestigieuses, si on veut donc proposer, ils disposeront, voilà. Juste auparavant, on avait Testament et la pièce éponyme de leur dernier album, The Formation of Damnation. Album qui est paru sur Nuclear Blast il y a quelques semaines à peine. Bien sûr, en 2008, on avait Obituary, une pièce qui date, ma foi, de pratiquement 11 ans, Platonic Disease, qui est tirée de Back from the Dead, qui apparaît sur l'étiquette Roadrunner de 1997, et on a ouvert avec It's Time to Play the Game, Motorhead, The Game, pièce qui apparaît sur Hammered, l'album de 2002, mais qui est aussi la pièce d'introduction, mais plutôt de destruction de Hunter Hearst Helmsley Triple H, bien mieux connu par les amateurs de lutte, la WWE. C'est un athlète que j'aime beaucoup et qui me fait bien triper par son attitude. Et en plus, c'est un excellent comédien. Donc, Motorhead, qu'on débutait ce bloc de cette édition de réanimation. Et, dans plusieurs choses... Entre autres, nous allons tout à l'heure, je me suis procuré ce midi. Et oui, il m'arrive de sortir sur l'heure du midi. Même si aujourd'hui il faisait soleil, je me suis risqué avec un 2-3 pouces de crème pour éviter que les rayons UV n'atteignent mon pâle et frêle teint. Pour me risquer en fait aller me procurer le, comme je le disais si bien, le dernier album de Cataclysm. La semaine dernière, Sinistros m'a mis vraiment l'eau à la bouche et je suis allé me le procurer. Donc ce soir, je vais passer possiblement la moitié de l'album dans environ peut-être une vingtaine de minutes. Et ça vous donnera l'occasion de vous faire une idée pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de se le procurer ou la chance simplement de l'écouter. Et puis, pour les autres, ça fait pas leur affaire, c'est pas vraiment mon problème. Moi, ça va me faire un grand plaisir. Je suis allé aussi au cinéma ce week-end dans l'ultime but de me faire un autre petit plaisir qui était d'aller voir le dernier Indiana Jones. Malheureusement, lorsqu'ils m'ont vu, eh bien, ils ont conclu que c'était complet. Donc, j'ai opté pour un autre choix qui était celui d'un film d'horreur qui avait eu certaines bonnes critiques d'après ce que j'avais pu lire et qui me tentait. Bon, mais je suis allé voir The Strangers, ou si vous préférez Les Inconnus, qui met en vedette entre autres Liv Tyler, la célèbre fille du célèbre chanteur d'Aerosmith, qui a joué dans un film de Brian Bertino. C'est pas mal ordinaire. Je vous dirais que c'était pas mal ordinaire, puis fort heureusement, c'était le dimanche, donc je n'ai pas payé pleine tarification, un petit rabais, parce que j'aurais été vraiment encore plus déçu. Que voulez-vous? C'est un film qui aurait pu nous transporter vers un espèce de thriller assez intéressant, avec beaucoup de punch qui aurait pu nous faire voler le popcorn dans l'air, mais ce n'était pas vraiment le cas. Bref, tout ça pour dire que Moi, là, je trouve ça absolument épouvantable que les réalisateurs s'entêtent encore à faire du slashing movie. C'est plus bon. C'est fini. Ça a été utilisé, usé à corde par les Jason Voorhees et les Michael Myers, les Freddy Krueger. C'est plus ça que ça prend. Trouvez-nous des vrais films d'horreur qui vont nous donner vraiment le grand frisson dorsal, la chair de poule, qui vont nous donner envie de vomir. Bon, pas vomir, parce que ça, c'est plus du gore. Mais un vrai film d'horreur, des vrais trucs là, de satanisme, des vrais trucs de hantise. Forcez-vous le derrière, bande de cinéastes, puis arrêtez de nous sortir des films à tous les mois qui sont supposés être le film de l'horreur de l'année, mais c'est tout le temps nul à chier. Donc, encore une fois, une montée de lait qui m'a fait fort plaisir de partager avec vous. Dans quelques instants, on va aller se taper une joyeuse pause publicitaire. Et après ça, donné que j'arbore fièrement mon t-shirt de Morbid Angel, ben, je me suis dit, joignons l'utile agréable et tapons-nous une pièce de Morbid Angel. Donc, après cette pause publicitaire, on revient avec Immortal Rights. C'est fou.ca pour tout savoir sur notre programmation et nos animateurs. C'est fou.ca, c'est de la balado-diffusion. C'est fou.ca pour nous contacter. C'est fou.ca pour nous écouter en direct sur le net. C'est fou.ca, c'est fou ça. Ici Luc Picard. J'aimerais prendre un peu de votre temps pour vous parler du tiers-monde. Mais il ne sera pas question de famine ni de guerre. Parce que comme l'organisme Développement épais, je pense qu'il y a plus important que ça à retenir. Le courage. Le courage des millions de personnes d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui font preuve au quotidien d'une grande détermination pour améliorer leur vie. C'est pas de notre pitié que le monde a besoin, c'est de notre solidarité. Donnez généreusement en composant le 1-888-234-8533. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Chaque semaine, C'est fou reçoit des caisses de nouveaux CD. Et chaque semaine, le poste d'écoute prend le temps de les écouter. Pour la première fois, en même temps que vous. Contrairement à d'autres radios, le poste d'écoute, c'est 3 heures de nouveautés et seulement des nouveautés. Le poste d'écoute, en direct les vendredis de 10h à 13h à C'est fou 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. We'll be right back. c'est assez simple de reconnaître le vocal de Max Cavalera. Une chose que je trouve un peu bizarre dans la carrière de cet artiste-là, moi, après la séparation avec Sepultura, après ça, avec son projet solo, dont j'oublie le nom, Soulfly. Maintenant, Cavalera Conspiracy, il revenait avec son frère. Avez-vous l'impression que c'est un petit peu redondant, tout ça, là? Je ne sais pas, mais moi, personnellement, je pense que Max a fait un peu le tour de ce qu'il avait à faire. Il devait passer à autre chose. Peu importe. Par contre, on avait quelque chose de très intéressant. Auparavant, on avait Behemoth et la pièce Malice, qui est tirée de l'album Antichristian Phenomenon de 2000. Une époque où Behemoth était un petit peu moins peaufiné. Ou en fait, peut-être avait moins trouvé leur son propre qu'ils ont aujourd'hui à l'époque, qu'ils ont aujourd'hui qu'à l'époque, devrais-je dire. Mais il reste qu'il y a des pièces assez intéressantes. Et on a ouvert avec Morbid Angel, la pièce Immortal Rites, qui est tirée de Halters of Madness. Un album de 1989. On parle de bientôt 20 ans pour l'album Halters of Madness. Et un peu plus pour Morbid Angel. Donc, on devrait s'entendre qu'à quelque part, ils sont des pionniers dans le death metal. Je suis encore allé avide de savoir quand cette formation sortira un nouvel album. Je suis encore allé voir sur le site. On a des dates de spectacles et de tournées, de festivals à n'en plus finir, mais jamais d'annonce que Morbid Angel entrera en studio. D'après moi, ils ont décidé que c'était pas assez payant de faire l'enregistrement studio et qu'ils ne vont faire que des tournées. C'est possible. Mais bref, c'est un petit peu triste pour les amateurs comme moi parce que j'aimerais avoir du nouveau matos. On s'entend que dernier album date de déjà quelques années, là. Puis quand on dit quelques, ça suppose deux. Fait qu'on peut dire quelques années. Donc, c'est ça qui est ça. Je vous ai dit qu'on s'amuserait ensemble à écouter. Ben, s'amuser, le terme est un petit peu fort, là. Disons qu'on va se délecter plutôt. Parce que s'amuser, en écoutant un album métal, ça suppose que c'est pas très bon ou que c'est pas très métal. Donc, nous allons savourer une partie du nouvel album de Cataclysm, cette formation montréalaise qui a une carrière internationale. Et comme Sinistros et moi l'a dit la semaine dernière, c'est probablement une des seules, formations typiquement québécoises qui œuvre dans la scène underground, plus précisément du métal, qui en vit. Et non pas qui est en vie, mais qui en vit monétairement. Je suis pas prêt à croire que les gars sont multimillionnaires, loin de là, mais je suis certain qu'ils sont capables de payer amplement leurs dépenses. Et cet album est sorti la semaine dernière, le 27, qui a pour titre Prevail. Et personnellement, je l'ai écouté en entier, rapidos. J'ai été parfait. Qu'elle dit de plus, c'est du Cataclysm et c'est excellent. Mais en plus, c'est intéressant parce qu'il y a une deuxième petit disque qui vient avec, qui est un DVD que je n'ai pas eu le temps de visionner encore, mais qui nous promet quelques extraits live et ainsi de suite. Donc, tout de suite, on va se taper ensemble l'ouverture qui est Prevail, suivie de Taking the World by Storm, The Chains of Power, As Death Lingers et Blood in Heaven. Puis si ça va bien, puis si je suis dans une humeur qui est acceptable, on verra peut-être pour la sixième, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on se tape les cinq premières pièces du nouvel album Prevail, de Cataclysm. Cataclysm, c'est ça que je disais. Go. What the hell? Everybody ends up dead. Just a matter of when. Lies, I've never seen the truth when they stare me in the eyes. Death

J'étais dans de bonnes grâces puisque je suis allé pour la sixième finalement. On vient d'entendre à l'instant six pièces extraites du nouveau Cataclysm Prevail, dont To the Throne of Sorrow, qui était la sixième pièce, la cinquième étant Blood in Heaven, 4 As Death Lingers, la troisième The Chains of Power, la deuxième Taking the World by Storm et en ouverture Prevail, pièce éponyme d'ouverture de cet album. Nouvel album qui est encore tiède, qui est sorti la semaine dernière, soit le 27. Comme vous avez pu le voir, c'est de la qualité. C'est égal à ce que Cataclysm peut nous offrir, rien de moins, et même plus. Donc, je vous incite vivement à vous le procurer. C'est un album qui est vraiment à la hauteur des attentes des amateurs de métal, du moins j'ose l'espérer. Il est 22h13, il nous reste encore 47 minutes à cette édition de réanimation, donc encore quelques bonnes pièces métal à vous passer, mais je dois vous informer que demain, Trois-Rivières Métal présente, ici même à Trois-Rivières, au Rock Café Le Stage. Bon. Despise Icon, Beneath the Massacre, High on Dissonance et The Plasma Rifle. Donc, c'est mercredi le 4 juin, demain, à 19h, il en coûtera 12$ et c'est pour tous. Présentation Trois-Rivières Métal. Et vendredi le 6, donc, cette semaine même, toujours Trois-Rivières Métal présente The String Empire, en compagnie de Abitibi Metal Invasion 2008, qui comportera Descent into Nothingness, Cryptic Howling, Archons et Abitabis. Et c'est ce qu'on met toujours au Rock Café Le Stage, qui est situé au 75 rue Fusée à Trois-Rivières. C'est dans l'ancienne ville de Cap-la-Madeleine. C'est foutu fusion. Vendredi 6 juin, donc, c'est à 20h, la coûte 7$ et c'est pour tous. Et je vous rappelle que le Trois-Rivières Metal Fest 2008 se tiendra le 7 et 8 novembre prochain à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Donc, c'est au même endroit que l'année dernière, ce qui promet d'être encore une recette gagnante. Pas encore de détails au niveau des groupes qui feront partie de ces deux soirées, mais par contre, j'imagine que ça s'en vient tranquillement pas vite. Faudrait que j'extraie quelques petites informations à Jeff, peut-être qu'il pourrait me donner quelques tuyaux. Et tant qu'au spectacle présenté par Grind Your Mind, eh bien, le 7 juin, le Rock Café La Stage, La Gâchette, Esclave Salarié et Manic Manon. Le 13 juin, Anonymous, JFK et Watcha, une formation de France. Le 1er juillet, Incantation, formation des États-Unis, Funerus, Damon et Deceased. Et là, on est rendu au 13 juillet, on pourra s'en reparler la semaine prochaine ou un peu plus tard. Bref, The Spice Icon, demain, String Empire, vendredi, Rock Café Le Stage. Puis, tant qu'à faire, on peut toujours aller voir ce qui se passe du côté de l'extérieur de la ville. Ben, étant donné qu'on vous vient de vous présenter six pièces extraites de Prevail, dernier album de Cataclysm, ce samedi, ils seront au Medley, en compagnie de Martyr et Augury. Donc, c'est à 19h au Medley, il en coûte 20, 38 et 25 et 69 plus taxes. C'est pour tous. Vous pouvez vous procurer les billets via Ticket Pro. Et dimanche le 8, soit le lendemain, ils seront à l'Impérial de Québec, toujours en compagnie de Martyr. Mais cette fois-ci, On Expect s'ajoute avec Augury. Donc, c'est à 19h30, c'est pour tous. Les billets sont au coût de 25$ plus taxes via Biotech. Lundi, le 9 juin prochain, Death Angel. Eh oui, croyez-le ou non, Death Angel qui sera sur scène au Foufounes électriques en compagnie de God Forbid, Arsis et Light This City. Donc, c'est à 19h, il en coûte 20$ et 25$ taxes incluses via admission pour voir Death Angel à Montréal. Foufounes électriques et le lendemain, ils seront à Québec à Nancy, toujours en compagnie de God Forbid, Arsis, Light This City. 12 juillet, bah, c'est pas si loin que ça, là. C'est dans un peu plus d'un mois, Hot the Gates. Compagnie de Darkest Hour, Municipal Waste, et Toxic Holocaust au Medley à 19h, 12 juillet, pardon, prochain. Coût de 30 et 56 et 35 et 43 plus taxes, c'est pour tous. Les billets sont disponibles via Ticket Pro. Et le vendredi 15 ou 17h au Club Soda, c'est le Summer Slaughter Tour, qui mettait en vedette Necrophages, Dying Fetus, Beneath the Massacre into Eternity, Neuraxis, Whitechapel, Veil of Maya, Divinity, Common Grave. Ah, ça risque d'être un bon festival de musique de chambre. Donc, c'est au Club Soda, c'est à 17h, c'est pour tous, c'est vendredi le 15 août prochain, la coûte 25,69, 30,56, plus taxes, via Ticket Pro. Ouais, ok, là, se calme un peu, là, rendu au mois de, pratiquement au mois de septembre, là, on a le temps de s'en reparler. Hey, ok, c'est ça, y est, bon, maintenant, 22h18, et c'est ça qui est ça. Il nous reste encore maintenant moins de 45 minutes avec toutes ces belles annonces de spectacle-là. Donc, on va continuer musicalement cette fois-ci avec formation que j'aime bien, qui donne maintenant dans une musique très, beaucoup plus progressive qu'auparavant. En fait, beaucoup plus qu'en 2002 avec l'album Remission, qui était le premier album officiel de cette formation-là, qui porte le nom de Mastodon. On va écouter March of the Fire Ants. On va entendre, entre autres, Strapping Young Lad. C'est Biomechanical, belle gang de fous, ça. Meshuggah, mais comme je vous l'ai dit, Mastodon et March of the Fire Ants. We'll be right back. Strapping Young Lad, Far Beyond Metal, tiré de New Black de 2006, juste auparavant, avec Mastodon et March of the Fire Hands, tiré de l'album, très bon album, Remission de 2002. J'ai commis une petite erreur. Je vous avais annoncé Biomechanical, mais malheureusement, je ne l'ai pas. C'est ainsi, et je ne peux rien y faire, donc on va sauter à Meshuggah et la pièce Combustion qui est tirée de Hobzine. And that's the bottom line, cause Dr. Paint Pendragon said so! Meshuggah. Combustion, c'est tiré de Hobzine de 2008. Très bon album. Quelle formation extraordinaire. On avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a récapitulé Strapping on Light et Far Beyond Metal from the New Black de 2006. C'est Mastodon, March of the Fire Ants. Tiré de Remission de 2002. Pour les amateurs de ce que a été Thomas Fisher Gabriel Warriors, de son nom complet, ou en fait du pseudonyme et de son nom complet, Excess Celtic Frost, sur Blabbermouth. Il y a un post aujourd'hui qui explique que Thomas Gabriel a fait une grande erreur lorsqu'il a accepté à la demande de Martin Haynes de prendre un nouveau batteur lorsqu'ils ont reformé Celtic Frost il y a 2 ans. C'était une erreur impardonnable selon lui, de sa part, d'avoir acquiescé à cette requête, et ce qui engendre le fait que Celtic Frost n'existe plus aujourd'hui. Et il y a une annonce aussi que le nouveau band de Thomas Fisher porte le nom de Triptychon. Et vous pouvez aller écouter ce qui se passe du côté des nouvelles créations musicales de M. Fisher au myspace.com/triptychonofficial. Donc, myspace.com/triptychonofficial. Triptychonofficial. Je viens de découvrir, je peux pas vous dire vraiment comment ça sonne. Ça sera à vous de vous en faire une idée. Je trouve ça toujours un peu... Regarde, là, ça n'aurait pas été plus facile de dire, regarde, on repart sur Celtic Frost avec les membres originales, ou bien on arrête. Parce que entre vous et moi, il y a de fortes chances que la musique de Triptychon ressemble énormément à Celtic Frost. C'est Thomas Fisher. Bon. Bref, ce sera à découvrir. OK, il est maintenant pas si tard que ça, finalement. Il est 22h35. Il reste pratiquement 35 minutes, 25 minutes, devrais-je dire, à réanimation. Et ça m'amène à vous dire que c'est le dernier bloc musical dans lequel on entendra, et cette fois-ci, j'ose espérer que ce sera la bonne chose, quelques trucs intéressants, dont Moonspell et le Project 8 vont débuter le tout immédiatement avec Summer Hell. We'll be right back.

Moonspell. La pièce Upon the Blood of Man, c'est tiré de Memorial de 2006. Excellent album, encore une fois. Je le dis tout le temps, Moonspell, discographie, un petit peu hétéroclite, dans le sens qu'on est parti, mais en fait que le groupe est parti sur une note beaucoup plus gothique, il y a un certain nombre d'années, pour devenir une formation, je dirais, plus gothique metal. Navin Samael et la pièce Slavocracy tirée de Solar Soul de 2007. Très bon album aussi. Les amateurs de Samael, on sait que c'est une formation qui maintenant donne dans un métal un peu plus électro. Donne une formule que j'aime énormément. Donc, ça nous amène à la dernière pièce de cette édition de réanimation. Je voulais juste vous dire que, bon, j'ai le goût de faire un test, là, vite fait, là. On va regarder ce qu'on peut faire du côté de Triptychon, voir si on peut pas aller se taper une partie de la pièce. On regarde ça immédiatement. Bon, ça donne une idée un peu, disons, pas trop définie de ce que ça peut être. C'est un trip de keyboards. OK, donc Triptychon, nouvelle formation, nouveau projet pour le moins de Thomas Fisher, Thomas Gabriel Fisher de Exaltic Frost. On verra bien ce que ça va donner avec le temps. OK, donc je vous quitte sur une dernière pièce qui est le Project 8 1999, une longue pièce de 9 minutes 55. Qui porte le titre de And Damnation is Forced Upon the Weak. C'est tiré du dernier album In Horror Mortis Nostrae de 2007. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sinistros sera là, donc il risque d'avoir encore quelques sujets controversés dont lui seul est le maître à penser, c'est-à-dire des choses tout à fait insignifiantes. Et en attendant, d'ici là, eh bien, allez tous vous faire foutre.